بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في كتاب قواعد المثلة في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد وأن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد ما زلنا في دراسة القاعدة الأولى في الفصل قال فيه المصنف قواعد في أدلة الأسماء والصفات وقلنا أن المصنف ذكر فيها يعني في هذه القاعدة الأولى أن الأدلة التي نثبت بها الأسماء لله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما ثم قال وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه ثم قال وأما معناه فيفصل فيه فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده فما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو الالتزام لأن قلنا أن الدلالة تنقسم إلى دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة الالتزام ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها قال جل وعلا ويفعل الله ما يشاء إلى آخر الكلام طيب إلى أن قال لما ذكر ما ثبت لله عز وجل لأنه ذكر ما ثبت لله عز وجل من الصفات ثم ذكر ما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى لأن قلنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين صفات ثبوتية وصفات سلبية الصفات الثبوتية ذكر بعض الأمثلة ثم قال ومما ورد نفيه يعني هو يريد الإشارة إلى الصفات السلبية التي ذكرت في كتاب الله عز وجل قال ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى الانتفاء وثبوت كمال ضده قال وهذا كلام مهم لانتفائه وثبوت كمال ضده مثال ذلك الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة وهذا مهم Donc on va continuer les frères Inch'Allah sur l'étude du livre Les règles exemplaires Donc j'ai relu le passage en arabe Il est immensément important Je l'ai relu que ça soit une révision Inch'Allah pour qu'on puisse bien comprendre cette première règle. Donc après qu'on ait étudié des règles concernant les noms, Al-Asma al-Husna, comme on avait déjà relaté, on le répète à chaque fois, on a étudié des règles, qu'a mentionné l'auteur, concernant un sifat. À présent, on étudie des règles concernant les textes, les preuves liées au nom sublime d'Allah Azza wa Jal et aux attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc la règle est que le croyant et la croyante affirme pour Allah comme attribut ce qu'Allah s'est lui-même affirmé comme attribut. Fil Kitab, dans les nobles textes et textes sacrés, dans le Coran et dans la Sunna. Est-ce que son envoyé, bien sûr dans la Sunna, c'est ce que son envoyé a affirmé comme attribut pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nanfi, et on nie tout ce qu'Allah azza wa jal a nié à son sujet. C'est pour ça qu'on avait dit qu'il y a des attributs de négation et des attributs d'affirmation. Donc ce qui est affirmé, nous l'affirmons, et ce qui est nié dans le Coran et dans la tradition du prophète, on nie. Et ça, on l'a hérité depuis l'époque des compagnons du prophète. Les compagnons du prophète n'ont jamais débattu sur les questions, c'est-à-dire n'ont jamais débattu sur des questions que le prophète sallam leur a pensé dans le sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans ce domaine. Et ils se sont limités aux enseignements du prophète sallam. Ensuite, l'auteur, comme on l'avait pris, nous a dit, par contre, il y a des attributs ni qui sont affirmés dans le Coran, ni qui sont niés. Donc là, en quelque sorte, la troisième catégorie. وَانْتَبِهُ إِلَى هَذَا رَكِّزُوا عَلَى هَذَا. Et là, concentrez-vous bien. هَذَا الْكَلَامِ كَلَامِ لِطُلَّابِ الْعِلْمِ. Ce qu'on dit là, c'est pour des étudiants en sciences, ou des étudiants, des gens qui lisent, pour des lecteurs. Des gens qui lisent. Ce qu'on dit là, ce qui va suivre, pas forcément de le dire aux gens de la masse. Les gens de la masse vont pas comprendre ça. Nous, on l'apprend, le cheikh nous l'enseigne, pour qu'on puisse comprendre certaines choses qu'on va lire dans les livres, et pour qu'on puisse se prémunir contre les dérives. Sinon, ce qu'on va dire là, ce qu'on a déjà dit aussi dans les cours précédents, ce n'est pas évoqué à tout le monde. هذا لا يقال لكل احد لكل مقام مقام لكن هذا الكتاب كتاب القواعد هذا موجه الى طلبات العلم هذا الكتاب موجه الى طلبات العلم الذي يريد الاتقان في علوم العقيده في علوم العقيده لان هناك طلبات العلم من تخصص في علوم العقيده والتوحيد وهو يدرس العقيدة والتوحيد وهناك طلاب العلم من تخصص في القرآن والتلاوة وعلوم القرآن والتفسير ومنهم من تخصص في الحديث ومنهم من جمع فهو متخصص في القرآن والسنة ثم قال وركزوا على هذا الكلام وممن لم يرد إثباته وننفيه لفظ الجهة مثلا أو لفظ الجسم مثلا أو لفظ الحد مثلا إلى آخره هذه الألفاظ لم تريد في الكتاب ولا في السنة لفظ الجسم لفظ الجهة لفظ الحد الحيز مثلا كل هذه الألفاظ لم تريد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فماذا فما وهو موقف المسلم. Donc quelle est la position du croyant? Il y a des termes maintenant qui ne sont pas mentionnés dans les textes. Et j'insiste bien sur cette question. Des termes qui ne sont pas mentionnés dans les textes. Quelle est notre position? On a dit التوقف. نتوقف. ما معنى التوقف؟ لا نثبته ولا ننفي. لا نثبته ولا ننفي. نتوقف. لكن قلنا في اللفظ sur le terme on s'abstient c'est-à-dire des termes comme al-jiha la direction al-jism le corps al-hayz al-had une limitation bien précise ces termes-là sont pas mentionnés dans le Coran ni dans la Sunna alors quelle est notre position يعني عندما اقول ما هو موقفنا يعني موقف أهل السنة والجماعة من قديم الزمن إلى زمننا هذا. Quelle est notre position ? التوقف. On n'affirme pas, on ne nie pas. Pourquoi on n'affirme pas ? Parce que c'est pas affirmé dans le Kitab et la Sunna. Pourquoi on nie pas ? Parce que c'est pas nié dans le Kitab et la Sunna. Donc on peut pas affirmer quelque chose sur Allah Azza wa Jal ou nier quelque chose sur Allah Azza wa Jal alors qu'on n'en a pas la connaissance. Et la connaissance qu'on a, on la puise dans Al-Kitab wa Sunna. Jusqu'à là, vous comprenez. لماذا تكلم العلماء في مثل هذه الألفاظ؟ لأن أناس في القرون في قرون قديمة تدخلوا في هذه الأمور وتناقشوا وتكلموا في مثل هذه المسائل. فمنهم من قال وأثبت لله جسما ومنهم من نفى بالإطلاق. فلما هؤلاء تدخلوا وتناقشوا وتكلموا في هذه المسائل فكان على العلماء علماء السنة أن يبينوا وأن يوضحوا وأن يتكلموا في مثل هذه المسائل كما قال المصنف. Regardez, l'auteur lui-même le dit à un moment, il le dit. Sinon, العلماء من قديم الزمان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتكلموا في مثل هذه المسائل الجسم والجهة والحيز والحد إلى آخره. لكن لما ظهرت المعتزلة والجهمية نفوا بالإطلاق صفات الجسم، لأن لما نفوا الصفات بالكلية نفوا صفة الجسم. وظهر رجل اسمه هشام ابن الحكم، وهذا كان في القرن الثاني. هشام ابن الحكم في القرن الثاني قيل بأنه هو الذي الأول الذي أثبت صفات الجسم لما أراد الرد على المعتزلة وعلى نفات صفة الجسم، فتناقشوا في هذه المسائل وتكلموا في هذه المسائل. وأهل السنة والجماعة في الأصل كما ذكر عن ابن تيمية عندهم الكلام في هذا الإثبات والنفي بدعة. عندهم إثبات صفة الجسم مثلا بالإطلاق أو النفي بالإطلاق عندهم بدعة، كما قال الشيخ واعلم. اسمع اسان لافي ديجا سيتي. regardez lui même le cheikh le dit. واعلم ان العلماء رحمهم الله لم يلجأوا الى هذا التفصيل الا لان اهل التعطيل الجأوهم الى ذلك في مسألة الجسم والجهة والحادث والمحدود وما اشبه ذلك، والا فنحن في غنى عن هذا. لكن لما الجأوهم إلى أن يتكلموا في هذا وجب على أهل السنة أن ينزلوا في الميدان وأن يتكلموا. وجب على أهل السنة يقول أن ينزلوا في الميدان ويتكلموا، وإلا فالسكوت عما لم يريد أسلم. السكوت كان أسلم، لكن كان يجب ويتعين على العلماء التدخل في هذا وأن ينزلوا في الميدان وأن ينزلوا في الميدان. Donc les savants n'ont pas eu le choix de traiter ces questions. Pour résumer, comme je vous ai dit précédemment, ces questions, c'est les savants les enseignent pour les toulab al-ilm, pour les étudiants en sciences, mais on n'en parle pas forcément aux gens de la masse qui ne sont pas habilités à comprendre cela. À la base, les compagnons n'ont pas parlé de ces attributs-là, l'attribut du corps, l'attribut de la limite, l'attribut de la direction. Donc, est-ce que on doit les affirmer pour Allah ? On a dit, affirmer ou nier d'une manière absolue, certains savants considèrent cela, comme c'est évoqué le Cheikh Samtemia, comme une innovation. C'est une innovation. Hadi bida, le fait de l'affirmer d'une manière absolue ou de le nier d'une manière absolue. Pourquoi ? parce que c'est pas cité dans les textes. La fil kitab ou la fil sunna. Donc al-lafdhu, lafdhu al-jism, lafdhu al-jiha, lafdhu al-had, ila akhiri, wa al-hadith, wa al-hadith, wa al-hadith, al-hayyiz, mathalan, wa ma ashbaha dhalik, هذه الألفاظ لا نثبتها ولا ننفيها. هذه القاعدة. Ça c'est la règle. Ni on affirme ni on nie. بنسبة اللفظ. لكن المعنى. Mais ça c'est le terme, comme on a dit. En ce qui concerne le sens. Le sens, certains savants, eux, c'est du sens qu'ils ont parlé. C'est du sens qu'ils ont parlé. Par contre, à l'époque, et l'un des savants qui a parlé sur le sens, c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. À l'époque, vous savez, Cheikh Ibn Taymiyyah était dans au 7e siècle, et il est mort au début du 8e siècle de l'Hégire. Du 8e siècle de l'Hégire. Comme on a dit, il faut comprendre le contexte de l'époque. Les débats de société, beaucoup de débats étaient liés au débat théologique. Au débat théologique. Et justement, ce genre de sujet, le fait de nier les attributs du Créateur, le fait de spéculer, de philosopher sur l'entité même, sur l'être même d'Allah Azzawajal, était répandu dans la société. Et donc, lui, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, a débattu et a amené des arguments contre ceux d'un côté qui niaient d'une manière absolue Sifat al-Jiha ou al-Jism, mais contre ceux qui affirmaient aussi d'une manière absolue. Et donc, lorsque certains niaient de manière absolue ou bien affirmaient, Cheikh Ibn Taymiyyah demandait le sens. Lorsque tu nies ce qui niait, par exemple, d'une manière absolue, Sifat al-Jism, l'attribut du corps, lui demandait, a demandé le sens. Quel est le sens? Quel est le voulu? Quelle est ton intention lorsque tu nies? Si c'est le fait de nier, ida nafait, mathalan, sifat al-jism, bimarna ma huwa al-murad, bimarna annaka nafait al-wujud, wujud Allah azza wa jal, ou nafait al-sifat bil-kulliya, hada al-ma'na batil. Et il demandait le sens. Si le sens voulu dans la négation de l'attribut du jism, du corps, c'était la négation de l'existence du Créateur, ou bien la négation de ses attributs dans la totalité, ou bien la négation de l'élévation d'Allah, Azza wa Jal, par exemple, alors il disait le sens est faux. Le sens est faux. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, si vous regardez dans ses livres, lui, il a débattu sur le sens. Lorsque, par exemple, Takallamu, ils ont parlé du sujet de Al-Jiha, la direction. Lui, Ashir, il a demandé le sens. Quel est le voulu par la négation de la direction Al-Jiha? Ou bien, quel est le voulu par l'affirmation de Al-Jiha? Donc lui, il débattait sur le sens. Famayizu bayna al-lafdhi wal-ma'na. Al-lafdh wal-ma'na. Pourquoi? Parce que ceux, par exemple, qui ont affirmé, comme on l'a dit, beaucoup de savants relatent d'une manière historique que la première affirmation de Sifat al-Jism, du mot le corps, l'attribut du corps, a eu lieu au deuxième siècle. Par un homme, comme on a dit précédemment, qui s'appelait Hisham ibn al-Hakam, au deuxième siècle. Et il est dit que eux, lorsqu'ils affirmaient Sifat al-Jism, c'était pour réfuter les négateurs, mais aussi dans le sens, c'était à la aqidat al-mujassima, à la aqidat al-mujassima. Le sens, c'était vraiment l'affirmation totalement opposée aux négateurs, c'est-à-dire que eux, ils affirment d'une manière exagérée. Ils affirment un corps, comme l'être humain peut se l'imaginer. Un corps comparable à l'être humain. Or, il y a impossibilité. Laysa kamithlihi shay. Donc si, par exemple, celui qui affirme d'une manière absolue, sifat al-jism, il affirme en pensant que c'est un corps comparable au corps des créatures, le sens est faux. Wal'iyadu billah. Et celui qui nie, en niant les attributs d'Allah Azzawajal d'une manière complète, le sens est faux. Donc, l'affirmation absolue ou la négation absolue est fausse. C'est pour cela que les savants, yatawakafun, ils s'abstiennent en ce qui concerne le lafd. Et lui, le cheikh Sam Temia, lui, a débattu sur le sens. Il a débattu sur le sens. Par exemple, en ce qui concerne la direction, sifat al-jiha. Al-jiha, lam talid fil kitab wa la fil sunnah. Al-qa'ida, annana natawakaf, la nuthbit wa la nanfi. Adafi al-lafd. لكن قد تكلم العلماء في كتبهم عن المعنى ما معنى الجهة ما المراد بالجهة إذا كانت الجهة بمعنى النفي أو نفي الاستواء استواء الله عز وجل فهذا المعنى الباطل هذا المعنى باطل certains ont nié l'attribut de الجهة c'était pour nier صفة الاستواء pour nier l'élévation d'Allah سبحانه وتعالى. Le sens est faux. Le sens est faux. Celui qui, par contre, cite Al-Jiha, Bimarna, que si c'est le sens de la direction pour dire qu'Allah, il est au-dessus de tout. Allah, il est au-dessus de tout. Et rien n'est au-dessus de lui. Allah, fawqa kulli shay. Huwa al-qahiru fawqa ibadi. Il est le qahir fawqa ibadi. Le sens est vrai. Donc, si on fait bien la distinction, et ça c'est pour ça que je voulais bien qu'on détaille cette question-là, pourquoi ? Parce que vous allez voir beaucoup de gens partisans de la doctrine de la négation, ils disent, vous allez voir dans certains livres, dans certains articles, dans certaines propagandes, ils disent que par exemple, Cheikh Sam Temia a affirmé l'attribut de Al-Jism. L'attribut de Al-Jiha. C'est faux. Selon ce qu'on sait, ce que les savants ont lu de Cheikh Sam Temia, et ce qu'ils ont vu, Cheikh Sam Temia, en aucun cas, il a affirmé, ni n'a nié. Donc, mawqifuna, notre position sur ces termes-là, c'est, pour terminer, on n'affirme pas, on ne nie pas, natawakaf, on s'abstient. On s'abstient. Ensuite, eux, les savants, ont demandé au sujet du sens. Et eux, ils ont traité le sens. Et lorsque des sens étaient mis en évidence, lorsqu'ils étaient faux, ils ont clarifié la fausseté de ces sens-là. Et si le sens est vrai, ils valident le sens, si le sens est vrai. Sinon, en ce qui concerne Al-Lafd, ils n'affirment pas et ils ne nient pas. Et comme nous a dit l'auteur, ces termes-là, on n'a pas besoin de les citer. Pourquoi ? Puisque dans le Coran, Allah Azzawajal nous a informé à son sujet et ça nous suffit. Et ça nous suffit. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de débattre et de s'étendre sur ces sujets-là. Sauf que eux, les savants, ont parlé de cela. Pourquoi ? Parce que des tendances et des doctrines hérétiques, lorsqu'elles sont apparues, ont, comme on l'a dit précédemment, ont traité ces sujets-là et ont rapporté cela, et donc les savants, ils étaient obligés de clarifier. Ils étaient obligés de clarifier. Donc, pour terminer, c'est quoi notre croyance et notre position lorsque des termes comme ça ne sont pas cités, des attributs par exemple, ne sont pas cités dans le Coran ni dans la Sunna au sujet d'Allah, ni c'est nié, ni c'est affirmé, les savants nous enseignent natawakaf. On s'abstient. On n'affirme pas, on ne nie pas. Pourquoi je vous le répète ? Parce que Ahl al-Ta'til vont vous dire si vous, vous affirmez. Ils vont vous dire, vous, Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, le Cheikh al-Islam et d'autres savants, vous affirmez sifat al-Jism, sifat al-Jiha. Or c'est faux. Les savants, la règle c'est la nuthbit wa la nanfi. Mais eux, les savants, par contre, comme Cheikh Sam Temia, dans ses livres, vous retrouvez que lui, il débat sur le sens. Il débat sur le sens. On va avancer avant de se quitter. On va essayer de terminer le bab. Regardez, kalam. Istama ila kalam Shaykh al-Uthaymeen. Kalam wadih jiddan. Qala على كل حال هل تقول إن الله جسم أو لا تقول الجواب أما اللفظ فليس لنا فليس لنا فضلا عن أن نقول وليس علينا أن نثبته أو ننفيه لأنه لا يوجد له نفي ولا إثبات في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأما المعنى فنستفصل وأما المعنى فنستفصل فالعلماء استفصلوا المعنى لا إثبات اللفظ وهذا فرق مثلا قال وكذلك هل لله عز وجل حد أو هل الله محدود فنقول أما اللفظ فإنه لم يرد في القرآن ولا في السنة وهذه المسائل مهمة جدا لو قرأت كتاب العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي ذكر هذه المسألة مسألة الحد وقبل الإمام الطحاوي من العلماء المتقدمين تكلموا في مثل هذه المسائل مسألة الحد دونك طالب العلم لابد أن يعرف هذه المسائل قال قال فنقول أما اللفظ فإنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا وأما المعنى فنسأل عن المعنى ماذا تريد بهذا المعنى قال مثلا الحيز يقولون إذا أثبت أن الله عال فقد جعلته في حيز أي في شيء يحوزه فنقول مثل ما قلنا في الجهة هذا الكلام هذا اللفظ الحيز لم يرد في الكتاب ولم يرد في السنة فلا نثبت ولا ننفي نتوقف وقال وذكر العلماء أنه هو العدل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فقال وكل هذه المسائل اسمعوا إلى هذا الكلام يقول وكل هذه المسائل ولدها المتكلمون أهل الكلام وأهل الفلسفة ولدها المتكلمون المحدثون ليتوصلوا بها إلى معنى باطل لكي يوهموا العامة ومن ليس عندهم علم راسخ بأن هذا الذي قالوه هو الحق وأن هذا هو غاية تنزيه لله عز وجل فينفو الصفات بمثل هذه الطرق لذا كان لزاما أن نتكلم معهم لكن أولا ننهاهم عن هذا نصيحة لله عز وجل ونقول دعوا عنكم هذه التقديرات اسلكوا ما سلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم أقوى منكم إيمانا وأشد رغبة في معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته لا الشيخ يدي une très bonne parole regardez ce qu'il dit il dit en fait ces questions là comment on acquit plutôt ces questions là il dit en fait c'est ceux qui ont adhéré à la théologie spéculative ce qu'on appelle l'ilm al-kalam. En français, on appelle souvent ça la théologie spéculative. Ceux qui ont spéculé sur le Créateur, sur Allah Azza wa Jal. Il dit, eux, ils ont donné vie, en quelque sorte, à ces questions. Quel était le but ? Le but, en fait, c'était de mettre en évidence un sens faux. Là, vous allez comprendre pourquoi les ulama, ils sont rentrés dans le sens. Ils ont débattu sur le sens, pas sur l'ovd. Le but, c'était de mettre en avant, de mettre en exergue un sens faux pour donner une sorte d'illusion aux gens de la masse que eux détenaient la vérité. Et que donc, lorsqu'ils niaient dans la totalité les attributs d'Allah, c'est vérité. Et que c'est comme ça qu'on attribue la perfection à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ceux qui affirment les attributs d'Allah azzawajal sont des anthropomorphismes. Anthropomorphistes plutôt. Et donc, il dit c'est pour cela que les savants ont été obligés de clarifier. Sauf qu'il dit. Donc regardez, ils ont essayé un peu d'embellir la négation des sifat, des attributs d'Allah, par cette voie-là. وَلِذَا لِزَامًا قَالَ لِذَا كَانَ لِزَامًا أَن نَتَكَلَّمْ مَعَهُمْ. Donc il incombe aux savants de parler avec eux et d'en débattre avec eux, puisqu'ils parlent au sujet de l'essence même du Créateur, de l'être du Créateur subhanahu wa ta'ala. Mais il dit, avant de discuter avec eux, il faut leur rappeler. Regardez, c'est très beau ce qu'il dit. Il dit, il faut leur faire le rappel. Il faut leur faire le rappel. Premièrement, de leur faire le rappel de rester sur les enseignements des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De leur dire, arrêtez ces évaluations. Qala da'u ankum hadhihi taqdirat. Taqdirat, ces évaluations. Vous pourrez jamais concevoir comment est Allah. Al-kayf majhoul. Personne. La tudrikuhu al-absar. Personne ne peut savoir. Notre raison est limitée. On ne peut pas. Laysa kamithlihi shay. Allah huwa as-sami' al-basir. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Al-Wadud. Al-Alim. Al-Khabir. Al-Qadir. Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. Idhan. Huwa as-sami' lahu sifat as-sama'. Al-Basir lahu sifat al-basar. Wal-Ali lahu sifat al-ulu. Lakin al-kayf, kayfiyat as-sifat. La nadri. Allahu a'lam. Lahu as-sifat. Allahu azza wa jal. Lakin kayfiyat as-sifat. La nadri. Al-ma'na. Ma'loum. Al-kayf. Majhoul. Laysa kamithlihi shay. Wa hada khatarun azim. Et ça, c'est un danger extrême. Qu'une personne, il essaie comment ça ? Yatakhayyal. La tatakhayyal. Al-kayfiyya. Kayfiyat al-sifat. N'essaie même pas de t'imaginer. Kayfiyat al-sifat. Tu peux pas. N'essaie même pas de t'imaginer. Pourquoi ? Parce que nous, notre imagination, on va être obligé de comparer. Pour concevoir quelque chose, tu es obligé de comparer. Par exemple, là, on ne parle pas du Créateur, on donne un exemple comme cela. Je te vends une maison, je te dis la maison est comme telle maison. Donc là, tu vas, je te dis la maison, ben, elle est, c'est la même maison que la maison d'un tel. Là, tout de suite, tu vas t'imaginer la maison d'un tel. Et tu vas pouvoir t'imaginer la maison et concevoir comment est la maison. Pourquoi ? Parce que c'est du matériel et elles ont des semblables, ce qui leur ressemble. Sauf que le Créateur subhanahu wa ta'ala n'a pas de semblable. Rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala, et rien ne lui est comparable. Donc on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas. S'imaginer, on ne peut pas. Donc regardez. Cheikh, il termine en disant, arrêtez avec ces évaluations, d'essayer d'évaluer. Je traduis taqdirat en quelque sorte évaluation. Il dit, on leur fait le rappel avant. Arrêtez. Il dit, restez sur la voie de sahaba. La voie de sahaba. Ils étaient plus forts que vous en iman, en foi. Et ils avaient un plus grand désir. Leur désir était encore plus ardent que le vôtre. De connaître le Créateur. de connaître Allah, mais il dit, ils sont pas rentrés dans ça. Et de connaître ses noms et ses attributs. Al-Khulasatu, en résumé, on termine, conclusion. Wal-Khulasatu, anna hadihi al-qa'idata muhimmatun, fa'ayyu insan, yujadiluka fi nafyi shay'in, ou ithbatihi anillahi azza wa jal, natawakaf inda hada, wa rakkizu ala hada al-kalam, yani jumlatan. وسنكتفي بهذا ركزوا على الخلاصة قال الخلاصة أن هذه القاعدة مهمة جدا فأي إنسان يجادلك في نفي شيء أو إثباته عن الله عز وجل فإنك تقول له هات الدليل وإلا فاسكت هات الدليل وإلا فاسكت فلا تثبت ولا تنفي والمعاني الحق ثابت لله عز وجل والباطلة منفية عن الله عز وجل. Et donc en khulasa il dit cette règle là, la première règle qu'on a appris, il dit pour conclure, là c'est la conclusion dans le commentaire, sauf qu'ensuite on va conclure le texte lorsqu'il va citer les preuves scripturaire et rationnel. Non conclu dans le commentaire, il dit al-khulasa. C'est pas une conclusion, c'est un résumé. Il dit ce que nous on retient. Cette règle-là est très importante et bénéfique parce que si une personne, il dit, vient à polémiquer avec toi ou bien débattre avec toi dans la négation ou l'affirmation d'un attribut au sujet du Créateur, au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu lui dis une chose. Rapporte la preuve, sinon garde le silence. Rapporte ta preuve, sinon garde le silence. Hat dalil wa illa faskut. Limana hat dalil bimana ida thabat al-ithbat ou nafi fil kitab wa sunna nuthbit ou nanfi ida kan sifat salbiya. Wa illam yarid النفي ولا الإثبات في الكتاب ولا في السنة نتوقف نسكت فيقول تقول له هات الدليل وإلا فاسكت فلا تثبت ولا تنفي والمعاني الحقة ثابتة لله عز وجل et l'essence vraie ثابتة لله عز وجل sont vraies, on les confirme par là, et l'essence qui sont faux on les accepte pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihada wa hada al-kalam kama qultu lakum hada haqq tulab al-ilm. Ça c'est pour vraiment les étudiants en sciences. Les gens de Hamas qui étudient pas, on s'assoit pas à table et on leur parle de ça. Ça c'est haqq tulab al-ilm. Elle a dit yaqra fil kutub parce que vous pouvez trouver ces questions là qui sont détaillées dans des livres, vous pouvez entendre des choses ou lire des articles. Ensuite, si on n'a pas la connaissance de ça, on peut être perturbé. Mais sinon, c'est pas des sujets qu'on cite, par exemple, pour des débutants ou des gens de min ammat al-nas. Li kulli maqamin maqal. Fa nahnu naqra kitab haqq tullab al-ilm. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Subhanallah. Ahsan, kalam jamil. Jamil, ahsan Allah ilayk, mashallah. Kalam jamil, mashallah. Le cheikh, il confirmait que la tatfakkaru fi dhat, n'essayez pas de réfléchir sur le comment des attributs, comment est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a dit, c'est inconcevable. Laysa kamithlihi shay. Wa huwa as-sami'u al-basir. Lakin fil aya, Allah azza wa jalla yaqul laysa kamithlihi shay. Rien n'est semblable à lui, mais juste après, il confirme. وهو السميع البصير فذكر العلماء ليس كمثله شيء لكن أثبت الله عز وجل لنفسه أنه السميع البصير بمعنى هو السميع له صفة السمع لكن ليس كمثله شيء السمع